Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. On va évidemment jouer, comme chaque matin, au Free Code Game. Le Free Code Game, vous connaissez le principe évidemment, c'est 4 séries de questions, ça va de la plus simple à la plus compliquée. Donc ça va du petit paquet, grand paquet, Durum et mitraillette, jusque les cadeaux évidemment les plus petits aux plus gros. Pour jouer avec nous ce matin, nous allons accueillir Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Comment vas-tu Gaëtan? Ouais, tranquille, ouais. Bon, allez, on va y aller. Gaëtan, tu connais le principe du jeu? Ouais. Parfait, eh ben, comme je viens de le rappeler, c'est bon. Le Free Code Game. On va jouer maintenant au Free Code Game. Qu'est-ce que tu choisis comme série de questions? Petit paquet, grand paquet, Durum ou alors mitraillette, Gaëtan? On va prendre un Durum. Durum, c'est pour gagner un iPod, c'est bien ça? Tu en es conscient, c'est bon? Tu valides? Ouais, c'est bien. Ok, très bien. Allez, c'est parti, on y va, il faut répondre le plus rapidement possible. Que signifie hippopotame en grec ancien? Cheval du fleuve ou Loana? Le premier. Cheval du fleuve, c'est une bonne réponse. Vrai ou faux, un disque jockey mixe en faisant du cheval? Faux. Faux, évidemment. Bonne réponse. Mimi Mati, Emmanuel Petit, Passepartout, lequel est le plus grand? Emmanuel Petit. Bonne réponse. Vrai ou faux, la Fox va faire des cannes by Dr. House pour concurrencer les casques by Dr. Dre? Faux aussi. Faux, évidemment, hein, bonne réponse. Et enfin, l'autophobie, c'est la peur des voitures ou de la solitude? De la solitude. De la solitude, oh là là, 5 sur 5. Quel homme. Pas mal. Eh ben écoute, félicitations Gaëtan, 5 sur 5, c'est relativement rare pour qu'on le soulève. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h, 9h30, sur Fun Radio. On va retrouver Love et Aline maintenant pour les infos en trop. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Exactement, Aline et Love, donc bienvenue pour ces informations importantes. Oui, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Commençons par une info politique. Notre Premier ministre, Élodie Rupeau, regretterait de ne pas pouvoir participer au Gordel. Oui, en effet, il avait peur que ce soit un véritable Gordel pour se garer. En France, début difficile pour le ministre de l'Intérieur qui a fait face à beaucoup de problèmes. Il a donc décidé de prendre des initiatives. Oui, en cette rentrée difficile, Manuel Valls a annoncé qu'il allait prendre des cours de danse. Un peu de sport avec du cyclisme. Lance Armstrong est revenu sur la mort de Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune. Oui, tout à fait. C'est après avoir été déchu de ses 7 victoires dans le Tour de France pour dopage que Lance Armstrong aurait déclaré qu'après tout ce qui s'est mis dans la gueule, il peut vous déclarer que c'est lui à être le premier à être arrivé sur la Lune. Et pour une fois, on est sûr qu'il n'a pas menti. Oui, c'est sûr. À Madagascar, les voleurs ne reculent devant rien. Oui, un gang de voleurs de zébus a volé un millier de bêtes, tuant au passage 2 policiers. Lors de l'arrestation, l'un des membres du gang aurait déclaré aux autorités « Je vole parce que quand j'ai bu, j'ai plus soif. » Eh oui, toi aussi d'ailleurs, tu es un petit peu picolé d'ailleurs. Et pour terminer, si vous aimez le rap et les voitures de rallye, écoutez le nouveau section d'Arceau. Ah, c'est nul. D'accord. Oh là là. Bon, les infos entre reviennent demain, peut-être. On verra. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien. C'est aujourd'hui, on va faire une petite spéciale. Ah. Une petite spéciale comme on le fait de temps en temps. Cette fois-ci, c'est Toff face à Aline. Eh oui, enfin, ah bon, Aline face à Toff plutôt. Eh oui. Alors attention, à vous de voter si vous voulez gagner votre iPod. Vous envoyez simplement Aline ou Toff ou nul. Si vous misez sur le bon cheval, eh bien, vous repartirez avec l'iPod si vous êtes tiré au sort, forcément, parmi les bonnes réponses. Évidemment. Donc, soit vous envoyez Aline si vous pensez qu'Aline va gagner, Aline, soit vous envoyez Toff si vous pensez que Toff va gagner, soit vous envoyez nul si vous pensez qu'ils feront un nul, en fait, tout simplement. Ouais. Bon, on y va, vous êtes prêts? Ni oui, ni non, ni. Qu'est-ce qu'on peut dire Non, il faut un vrai mot. Voilà. Allez. Ni oui, ni non, ni tu. Attention, c'est parti. Salut Toff. Salut. Ça va? Bien. Moi aussi. Tant mieux. Que fais-toi aujourd'hui? Faut parler français, hein. Toi, français, pas bien. Moi, parler très bien français. Moi, pas rendre compte. Ça va, genre. D'accord. Aussi quoi? Aussi parler. Grand. Aussi petit. Aussi moyen. Aussi comment? Aussi comme ça. Comme ça, comme ça. Rien à dire, votre discussion. Ouais, j'y peux rien, elle parle mal. En fait, je peux vous voyer. Donc, qu'allez-vous faire aujourd'hui? Je pensais aller au Mediamart. D'accord, je vais venir avec. Ah bon? T'aimes bien aller au Mediamart? J'adore. Le tandem. Que dit le jury? Ah non, tu t'aimes. Quel talent Non mais attends, t'aimes, tu aimes, je veux dire, c'est la même chose. Mais c'est vrai. Non mais non, faut pas déconner. Vous voyez. Alors que la majorité des gens avaient quand même voté pour Toff. Faut dire ce qui est. Voilà. C'est normal, mon public sait que je suis le meilleur. Mais ouais. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Et puis là, c'est l'heure maintenant de la question existentielle de ce matin. À base de quoi, question existentielle? À base de doute. De doute, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, tu vois, quand t'es dans une conversation, que tu dis « Ah ouais, sans doute ». Ouais. C'est qu'en fait, t'es pas vraiment sûr. Ouais. Donc en fait, t'as des doutes. Ouais. Donc c'est pas sans doute. C'est une manière de voir les choses. Putain, tu vas chercher loin, dis-tu. Oui. C'est vrai. Bon, alors ce que je propose, c'est qu'on appelle, on va appeler à Sivri. Ah bah, si Sivri, alors. Allez, d'accord. On y va, c'est parti. Composition du numéro de téléphone. Oui, c'est toujours un peu long, hein, je suis désolé. On est habitué maintenant. Bah ouais, on a le matériel qu'on peut. Hein. C'est vrai. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai une petite question à vous poser. À cette heure-ci? Bah oui. C'est de la part de qui? C'est de la part de Toff. Je connais pas. Ben non, mais c'est pas grave. Au revoir. Ben non, attendez. Allô. Oh. Elle a une petite voix. Hein. Ah, le standard donne un son particulièrement bon aujourd'hui. On est bien, il est en pleine forme. On est bien. Ah oui, on est en pleine forme ce matin. Le standard est au taquet. On rappelle une dernière fois. Allez, c'est pour le sport. Allez, direction à Sivri pour la dernière fois. Normalement, en tout cas. C'est parti, on y retourne. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est de la part de qui monsieur? De la part de Toff monsieur. De quoi? De la part de Toff. Qui c'est ça, Tos? Non, Toff, avec un F. Je ne connais pas, moi. Mais non, je vous appelais parce que j'avais une question à vous poser. Pourquoi? Ben en fait, voilà, je me demandais pourquoi est-ce que quand on dit sans doute, c'est justement parce qu'on a des doutes. Je comprends rien, je suis sourd, de toute façon, je dois m'en aller. Allez, monsieur, bonsoir. Ah, bonsoir. Bah, alors, bonsoir aussi. Alors. Non, mais alors, bonsoir. Alors, d'accord, j'ai envie de dire pas de problème, bonsoir. De toute façon, il est sourd, il ne comprend rien. Mais voilà, il ne comprend rien. Vous l'avez découvert sur Fun Radio. Florence and the Machine, Spectrum.